Les prophètes Amos et Abdias. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Trois générations se sont succédées depuis qu'Akab et Jézabel ont plongé le royaume d'Israël, c'est-à-dire Samarie et les 10 tribus du Nord, dans une terrible idolâtrie. Dieu choisit alors un humble berger de Tekoa pour faire de lui son messager auprès de son peuple. C'est Amos, l'auteur du livre que nous abordons aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que Dieu prend un berger et l'envoie prophétiser en Israël. Il y a eu Moïse, puis David, et maintenant, c'est au tour d'Amos de faire entendre une parole d'autorité. « Ainsi parle l'Éternel. » C'est une phrase que nous retrouvons 53 fois au cours de ces 9 chapitres. Le nom Amos signifie « fardeau » ou « porteur de fardeau ». Effectivement, le prophète porte sur ses épaules le fardeau moral de son peuple. Aussi, après avoir brièvement dénoncé les crimes des nations d'alentour, Damas, Gaza, Tyr, Édom, Ammon, Moab, et fait allusion au péché du royaume de Juda, il concentre son attention sur les 10 tribus du Nord. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Amos 2, 6. Car avec les années, les choses sont allées en empirant. Et il faut que Dieu juge. Les chefs d'Israël vivent dans un grand déploiement de luxe et organisent des festins idolâtres sur les collines. Le peuple offre des sacrifices aux veaux d'or de la ville de Bethel. Amos ne se laisse pas impressionner ni intimider par qui que ce soit. Il est profondément conscient des exigences de la justice de son Dieu et de sa sainte aversion du mal. Aussi est-ce avec véhémence qu'il dénonce les péchés de son peuple. Dieu avait déjà envoyé certains avertissements, mais nul n'y avait pris garde. « Je vous ai envoyé la famine. J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. J'ai envoyé parmi vous la peste. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Amos 4, 6 à 10. Les villes d'Israël n'ont donc pas pris au sérieux les châtiments de Dieu. Aussi son appel prend-il la forme d'un ultimatum adressé à l'ensemble de la nation. « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Amos 4, 12. Cet appel ne pourrait-il pas franchir 28 siècles d'histoire et retentir de nos jours, et secouer de sa torpeur notre société de consommation, cette génération amorphe qui a grandi devant les écrans de télévision et qui ne réagit plus, même devant le bouleversement des événements? Car aujourd'hui, l'Éternel parle aussi par des sécheresses, des inondations, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles ou des guerres. Et comme ces avertissements sont toujours plus incisifs, la Bible tout entière proclame à qui veut l'entendre « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Si vous deviez rencontrer Dieu aujourd'hui même, seriez-vous prêt? Et comment faut-il se préparer à cette rencontre? Reconnaissez votre propre état de révolte contre Dieu, votre état de pécheur perdu, et croyez que Jésus-Christ, et lui seul, peut et veut vous sauver. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Oh, que ces deux versets d'Amos 4, 12 et d'Acte 4, 12 se gravent dans votre mémoire et que l'appel pressant de Dieu qu'ils expriment trouve écho dans votre cœur. Mais revenons au prophète Amos. En dévoilant les criants abus des Juifs et l'impiété flagrante du peuple d'Israël, le prophète a réveillé l'opposition des chefs religieux et le jour est venu où le prêtre idolâtre de Bethel l'a calomnié devant le roi. Cette accusation devait fournir à Amos l'occasion de présenter ses véritables lettres de créance, et cela de la façon la plus humble et convaincante. « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Amos 7, 14 à 15. Et utilisant désormais le langage des paraboles, qui appartient toujours à un temps de désobéissance et d'apostasie, Amos continue à délivrer le message de Dieu. Il fait état de 5 visions. Une invasion de sauterelles, 7, 1 à 3. Un incendie, 7, 4 à 6. Un instrument de mesure, le niveau, 7, 7 à 9. Des fruits trop mûrs, 8, 1 à 2. Et enfin, un autel détruit, 9, 1. Toutes ces images annoncent et décrivent la destruction d'Israël, 9, 8. Mais le courroux de Dieu n'empêchera pas la manifestation de ses compassions. L'Éternel punit les coupables, mais il reste fidèle à ses promesses. Après les captivités, la dispersion et les génocides, Dieu aura encore compassion d'Israël et lui prouvera encore son amour. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel. Amos 9, 13 à 15. Ainsi, la prophétie du berger de Tekoa s'achève sur la perspective du rétablissement d'Israël, un événement qui a commencé de se réaliser sous nos yeux. Passons maintenant à la très courte prophétie d'Abdias, le livre qui suit immédiatement celui d'Amos. Il ne faut pas confondre son auteur, un homme qui vécut vraisemblablement au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec cet autre Abdias qui fut chef de la maison d'Akab au temps d'Élie. Selon toute probabilité, le prophète Abdias a proclamé son message après la destruction de Jérusalem et la déportation de Juda en 586 avant Jésus-Christ. Sa prophétie n'a qu'un sujet, le jugement d'Édom. Le royaume d'Édom, qui s'étendait au sud-est de Juda, s'est réjoui des malheurs de Jérusalem. Or, dans ses sarcasmes à l'égard d'Israël, nous retrouvons toute la haine d'Ésaü, l'ancêtre d'Édom, envers Jacob, son frère jumeau. Genèse 27, verset 41. Et à travers les siècles, cette haine a ressurgi dans l'hostilité de ses descendants, Amalek et Édom, à l'égard d'Israël. Après 15 siècles de guerre fratricide, Édom a voulu encore profiter des malheurs qui étaient tombés sur Jacob pour exterminer ses fuyards et accaparer leurs richesses. Mais il aura affaire à Dieu. Voici ce qu'Abdias lui annonce de la part de l'Éternel. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte. Ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. Ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Abdias, versets 10 à 18. La capitale d'Édom, primitivement appelée Séla, mais plus connue sous le nom de Pétra, était une véritable forteresse du désert, une métropole jugée invincible. On y accédait par une gorge impressionnante entre des parois de rochers s'élevant à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Véritable canyon creusé dans le roc. Mais il n'est aucune position dont Dieu ne puisse avoir raison, et Abdias a annoncé la chute d'Édom alors que sa capitale était au faîte de sa gloire et de sa prospérité. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même « Qui me précipitera jusqu'à terre ?» quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Abdias, versets 3 et 4. Ésaü avait placé son nid aussi haut que celui de l'aigle, mais il fut précipité hors de ses rochers. Il faut avoir vu les ruines de Petra dans le désert de Jordanie pour mesurer le degré de sévérité du châtiment divin envers les descendants d'Ésaü. Ces ruines montrent à tous ceux qui veulent bien prendre garde à ce message que le fait de défier le Dieu vivant ou de lutter contre son peuple est une chose grave. On ne résiste jamais impunément à l'Éternel. Ésaü a méprisé le plan de Dieu. Il a été profane devant sa parole. Mais la colère divine a fini par l'atteindre jusque dans sa forteresse du désert. C'est pourquoi, pour conclure cette étude, il nous importe d'insister auprès des lecteurs de ces livres prophétiques. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Qu'il vous soit fait la grâce de prendre au sérieux tant l'offre d'amour de Dieu que ses avertissements. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Hébreux 12, 25. Il suffit d'un instant pour régler sa situation pour l'éternité. Dites dans votre cœur, « Seigneur, je te demande pardon pour mon péché et je t'accepte comme mon sauveur pour la vie et pour l'éternité. » Alors, vous n'aurez plus peur à la perspective de la mort, car au jour de la rencontre avec votre Dieu, vous serez muni du seul passeport valable pour le ciel. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Épître de Jean, chapitre 5, verset 13. Et que Dieu vous bénisse.